Merci d'écouter les petites histoires. Pour profiter pleinement du podcast, vous pouvez vous abonner. Vous n'aurez plus de publicité et accès à des histoires exclusives. L'abonnement est super simple, sécurisé et sans aucun engagement de durée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur telming.com ou cliquez sur le lien dans la description de l'épisode. Les petites histoires, les petites histoires de Telming. Coucou tout le monde! J'ai reçu pas mal de questions de parents à propos de la publicité, de l'abonnement et plus globalement de la manière dont fonctionne le podcast. C'est vrai que j'ai pas tout compris. C'est pour ça que je me suis dit que ça valait le coup d'enregistrer cet épisode avec toi, Zélie. Mais je suis un personnage imaginaire. Peut-être, mais grâce à toi, je vais pouvoir expliquer plus clairement comment fonctionne le podcast. Comme ça, les petites histoires n'auront plus de secrets pour nos éditeurs et leurs parents. Alors c'est parti! Les petites histoires est un podcast gratuit. Enfin, pour vous. Pour moi, c'est différent, car je ne le fabrique pas seul. Depuis le début, j'ai la chance de travailler avec des gens bourrés de talent. Thomas et Cécile m'aident à écrire les histoires, Karina Arnaud les raconte, Abel les enregistre, Celsian les monte, Léa crée les ambiances et les bruitages de certains épisodes. Il y a aussi des tas d'illustrateurs qui font les couvertures des épisodes, et mon comptable. Et depuis le début, j'ai à cœur de payer toute l'équipe. Moi, je ne me paye pas. Bah, comment ça se fait ? Quand on lance un projet, il faut faire des choix. Et dans mon cas, je préfère payer toutes les personnes avec lesquelles je travaille avant de me payer. D'accord, mais du coup, ça coûte beaucoup d'argent, les petites histoires ? Produire une petite histoire me coûte 700 euros, soit environ 188 boosters Pokémon. C'est énorme ! Oui et non. Chaque histoire demande plusieurs jours de travail. Pour produire une saison des petites histoires, soit 60 épisodes, il faut compter environ 180 jours de travail. Une demi-année ? Quasiment, oui. Mais comment tu gagnes de l'argent, alors ? Pour publier mon podcast, j'utilise Acast. En un clic, je peux diffuser chaque épisode sur toutes les applications de podcast et sur mon site. Acast est aussi une régie publicitaire, c'est-à-dire qu'ils vendent des espaces avant et après chaque épisode où l'on peut insérer de la publicité. Comme à la télé ou sur YouTube, quoi. Voilà. Et cette publicité peut prendre deux formes. Première possibilité, Acast vend un espace à une marque qui a un spot publicitaire prêt à être diffusé, comme celle que l'on peut entendre à la radio. Là, je touche 8 euros pour 1000 écoutes. Seconde possibilité, j'enregistre une pub moi-même, où je parle d'une marque. On appelle ça la sponsorisation. Et là, je touche environ 40 euros pour 1000 écoutes. Et tu gagnes combien en tout ? Eh bien, ça varie tous les mois. Mais je peux te donner un exemple. En février dernier, les histoires ont été écoutées 250 000 fois. Waouh, c'est fou ! Ouais, hein ? Et d'ailleurs, je dois remercier toutes celles et ceux qui nous écoutent. Ah oui, merci ! Et j'espère que vous aimez bien mes aventures. Je crois qu'ils les aiment beaucoup. Mais revenons à mon exemple. En février, il y a eu 250 000 écoutes. Il n'y a pas eu de sponsorisation, uniquement des spots. Le podcast a gagné 660 euros. Durant ce mois, il y a eu 4 histoires. Qui m'ont donc coûté 700 euros chacune. Alors, si on fait le calcul, 4 x 700, ça fait... 2800 800. Ouais, j'ai donc dépensé 2800 euros et gagné 660 euros. Il manque donc 2140 euros, l'équivalent de 362 paquets de cartes Pokémon. Mais je comprends pas, tu devrais pas gagner plus avec toutes ces écoutes ? En théorie, oui. Sauf que j'ai mis en place un filtre pour ne diffuser que des publicités écoutables en famille. J'ai donc moins de publicités que d'autres podcasts. Mais rassure-moi, il y a des mois où tu gagnes de l'argent quand même. Ouais, heureusement. Mais jamais assez pour compenser les pertes provoquées par les mois déficitaires. Comment fais-tu pour payer tout le monde alors ? Eh bien, je paye de ma poche. Enfin, c'est ce que j'ai fait jusqu'en avril 2020. Mais j'ai arrêté. En revanche... Dès qu'on me commande une histoire, comme celle que j'ai pu écrire pour Audible ou pour Cybelle, c'est ma société qui encaisse l'argent. Moi, je ne gagne pas un euro. Grâce à cela, j'ai pu constituer un mini trésor de guerre pour financer la production des histoires au second semestre 2020 et sur les premiers mois de 2021. Si je n'avais pas fait ce choix, les petites histoires se seraient arrêtées depuis longtemps. Et je ne serais pas née. Eh oui, parce que tu es née en mars 2021. Mais attention, hein, je ne me plains pas du tout de la situation, je suis même fier. J'espère seulement qu'un jour, je pourrai gagner un peu d'argent. Parce que ce projet est un gros kiff, mais il occupe tout mon temps libre. Ton temps libre ? Ça veut dire que t'as un travail à côté ? Eh ouais, les factures ne vont pas se payer toutes seules. Alors l'abonnement va aider le podcast ? En fait, en écoutant les publicités, les auditeurs nous aident déjà. Mais l'abonnement permet d'assurer un futur plus stable au podcast. Avec 1250 abonnés, le podcast serait à l'équilibre, c'est-à-dire qu'on gagnerait assez chaque mois pour produire toutes nos histoires. Et s'il y a plus d'abonnés ? On pourra faire des épisodes plus longs, spéciaux comme ceux d'Halloween ou un nouveau calendrier de l'Avent. On pourra peut-être même diffuser plus d'épisodes chaque semaine et faire naître de nouveaux rendez-vous. Et il fonctionne comment cet abonnement ? Alors, il y a deux formules. Pour 2 euros, les auditeurs peuvent écouter les épisodes sans aucune publicité. Et pour 5 euros, en plus d'une écoute sans pub, les auditeurs peuvent écouter une histoire exclusive réservée uniquement à eux. Donc une petite histoire en plus chaque mois. Voilà. Bon, je crois qu'on a fait le tour du sujet de l'abonnement. Non, t'as pas dit où il fallait aller pour s'abonner. Ah ouais, pour nous soutenir et profiter pleinement des petites histoires, rendez-vous sur telming.com, telming.com, ou cliquez sur le lien dans la description de cet épisode. Voilà, là on a vraiment fait le tour de la question. Merci Zélie. On vous embrasse. Et on vous dit à bientôt. Une hirondelle ne fait pas le printemps. C'est ce qu'on dit, mais pourquoi cette expression ? Se vérifie-t-elle tout le temps ? Et si une simple petite hirondelle partie en Afrique pour passer l'hiver au chaud bousculait le fameux dicton en rejoignant plus tôt que prévu un enfant devenu son ami ? Toute l'année, dans le Happy Meal, découvrez la collection de livres pour enfants « Il était un dicton » écrit par Éric-Emmanuel Schmitt et illustré par Caroline Piochon. En ce moment, une hirondelle ne fait pas le printemps ou deux autres livres au choix. Durée limitée, un livre ou un jouet par Happy Meal, voire le livre du moment en restaurant. Que dit notre mémoire de notre identité, de notre rapport aux autres, au monde ? Mémoire, dis-moi qui je suis est un podcast immersif en 12 épisodes à la découverte des mémoires. Car il n'y a pas une, mais des mémoires. Plongée dans la mémoire de Marie, Jean-Louis, Pascal, des experts, tous scientifiques de renom, racontent ce qui se passe dans leur cerveau. Mémoire, dis-moi qui je suis, un podcast réalisé par l'Observatoire B2V des mémoires, membre du groupe B2V.